Pour le moment, c'est avec Raymond Poirier que je m'entretiens. Bonjour Raymond. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Bienvenue dans cette nouvelle programmation d'été. Oui. Nous, on continue. Bon, il y aura peut-être des changements à l'horaire, mais on verra là, dans le courant de l'été. Alors ce matin, on va jaser de l'avenir de l'emploi et de la formation en emploi. Tout ça, bien sûr, dans un contexte numérique, puisque c'est le sujet de ta chronique. Exactement. En fait, si on fait un peu le suivi, j'ai l'impression que le Pew Research Center a envoyé il y a quelque temps un large sondage avec plusieurs thématiques. On avait parlé il y a plusieurs semaines de ça, de l'angle sur l'évolution de l'algorithmique. Et ouais. Il y avait un autre pan de cette enquête qui s'intéressait au futur, donc en emploi, en éducation. Donc, on parle, pour contextualiser, là, d'un panel de un peu plus de 1300 experts d'informatique, principalement aux États-Unis, qui ont été consultés. Donc, on leur a demandé, essentiellement dans le contexte de ce sondage-là, vers où s'en vont donc ces thématiques-là dans un horizon d'une dizaine d'années à peu près. Donc, c'est sachant, loin, ça, c'est loin ça, et c'est là, proche c'est... en même temps. Oui, oui, mais je veux dire, dans un contexte numérique, il me semble c'est que... loin. C'est très loin. Et dans un contexte aussi où, tranquillement, avec l'intelligence artificielle, avec la robotique, on sent qu'il y a des éléments qui sont en train de changer de manière quand même inéluctable à l'intérieur du contexte du travail. On sait qu'il y a certains jobs qui peuvent tranquillement être faits par des ordinateurs ou par de l'intelligence artificielle, ouais. Par des robots. On l'a vu dans un contexte manufacturier. On le voit aussi dans d'autres contextes. Par exemple, journaliste sportif, mais éventuellement, un ordinateur peut faire ce travail-là quand il s'agit simplement de rapporter les matchs dermatologistes pour analyser la peau. Ben ça, il y a des expériences qui ont été faites dans le domaine de la finance, de l'assurance, dans le domaine de la gestion même. Donc, tranquillement, on voit que le contexte de l'emploi est appelé à changer. On ne sait pas encore exactement de quelle façon, puisque, un peu comme on parlait de justice, ouais. Il y a plusieurs semaines, on sait qu'il y a des choses qui sont possibles, mais c'est encore difficile de saisir les ramifications liées à ces possibles-là. Mais on sait que ça va changer. Ouais, ouais, c'est ouais. L'essentiel. Alors, dans ce contexte-là, sachant que ça va changer, ben, ce qu'on a demandé à ces 1300 personnes-là, c'est de quelle façon, donc quel changement ça va porter? Changement positif? Changement négatif? 70% des sondés qui étaient quand même, somme toute, optimistes par rapport à l'avenir. Un 30% peut-être un peu plus pessimiste. Ah ben, 30% on a quand même plus, un bon 70%. Oui. 30% plus, parce que certains craignent qu'ils sont partagés, mais tout de même, là, ça reste assez optimiste, ce qui fait qu'on commencerait peut-être avec, justement, les constats optimistes. Allons-y, on a besoin, je trouve qu'on vit. Il y a quelque chose, il y a un aura là, un peu de pessimisme. Et le premier constat, c'est les possibilités que ça va ouvrir au niveau de l'éducation elle-même. Dans la mesure où l'écosystème éducatif va évoluer, il va avoir un métissage d'innovation dans tous les types d'éducation, donc autant primaire, secondaire, collégial, universitaire, que dans la formation en entreprise, que dans la formation continue. Donc, il y aura plus de diversité, et ça veut dire aussi qu'il y aura plus de possibilités d'apprendre. Donc, il y a une... Et on le voit déjà beaucoup avec les MOOC, donc les cours en ligne qui sont offerts par plusieurs universités de par le monde sur des thématiques de pointe. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui risque de prévaloir de plus en plus au fil du temps. La façon dont on apprend risque... Non, littéralement, les MOOC, c'est des cours en ligne. Okay. Dans le fond, ça pourrait être un beau sujet de chronique, d'ailleurs. Mais essentiellement, c'est toutes sortes de sujets. À l'Université Laval, d'accord, par exemple, okay. Ils en ont fait un sur le développement durable, sur les commotions cérébrales et leur traitement. Et toutes les universités en offrent de plus en plus. Donc, l'idée, c'est de pouvoir suivre un cursus complet en ligne. On s'inscrit et à la fin, on a une note. Mm-hmm. On a fait des tests, là, il reste. C'est quelque chose de très suivi. L'Université Laval, si je ne m'abuse, là, c'est un leader là-dedans. Ils en offrent énormément. Non, il y en offre deux. OK, c'est pas la même chose que la... Non, oublie ça. Okay. En fait, eux, c'est qu'ils ont là aussi un environnement numérique d'apprentissage, mais pour accompagner les cours, les cours in situ, si on peut dire. Mais bref, les cours en ligne vont donc devenir de plus en plus importantes. Il va y avoir des cours métissés aussi, ce qu'on estime, donc entre du contenu en ligne et du contenu en réalité, si on peut dire. Et il va y avoir une attente, si on peut, de la part des travailleurs ou des citoyens, dans le fond, d'apprendre peut-être de manière plus continue. Donc, ce qu'on appelle apprentissage à vie, eh bien, ça va pouvoir se faire de manière un peu plus proactive, si on peut dire, et ça dans un contexte où ça sera aussi de plus en plus nécessaire, parce que évidemment, si le contexte est changeant, s'il y a des nouvelles donnes qui arrivent régulièrement, ben nécessairement ça va vouloir dire aussi que les gens qui sont sur le marché du travail vont devoir eux-mêmes s'adapter de manière continuelle, peut-être un peu plus que ce qui est fait actuellement. Alors, il y a cet élément-là. Et parallèlement, ce qu'on dit aussi toujours dans cette thématique-là, c'est que les cours en ligne vont aussi profiter des avancées en réalité augmentée, en réalité virtuelle, en intelligence artificielle. Donc, on va pouvoir utiliser ces outils-là pour rendre l'expérience éducative plus large. Évidemment, il y en a qui ont mis un petit bémol en disant « Oui, mais là, on est quand même dans un horizon de 10 ans. On s'entend, dans 10 ans, on n'en sera pas rendu à offrir des cours en ligne en réalité virtuelle. Ça va être un peu plus loin. » Qu'est-ce que ça voudrait dire, un cours en ligne en réalité virtuelle? Ça voudrait dire un prof... Des classes virtuelles. Dans le fond, tout le monde est virtuellement au même endroit. Une communauté d'apprentissage ou des choses comme ça, par exemple, avoir un professeur qui est en fait une intelligence artificielle qui nous propose, qui nous partage l'information. Évidemment, donc, dans ce contexte-là, les universités vont aussi être appelées à se transformer, à évoluer, parce que, justement, ils vont devoir... travailler avec cette abondance de contenu en ligne-là, de contenu accessible beaucoup plus largement. Donc, de quelle manière vont-ils l'intégrer? De quelle manière vont-ils renforcer, si on peut dire, l'expérience éducative qu'ils vont offrir? Donc, ça, c'est le premier thème. Donc, ce qu'on ressort, c'est donc un contexte éducatif qui va être en mutation et qui va intégrer, donc, de nouveaux outils. Mais les sujets, est-ce qu'ils seront les mêmes? L'histoire, les sciences humaines, est-ce qu'on étudiera encore ça? C'est la grande question aussi. Qu'est-ce qu'on va apprendre, évidemment? Ce qu'on dit, c'est que, bon, évidemment, il y a des connaissances de base dont tout le monde va avoir besoin, donc français, anglais, mathématiques, histoire et le reste. Mais au-delà de ça, ce qui va prévaloir, c'est l'idée de compétences du 21e siècle. Donc, on va essentiellement essayer de trouver des manières d'enseigner des... talents intangibles, des capacités un peu plus intangibles. Donc, on parle d'intelligence émotive, de la curiosité, la créativité, l'adaptabilité, la résilience, toutes la pensée critique. Toutes nos formes d'intelligence qu'on développe pas toujours. Et tout ce qu'un ordinateur sera pas en mesure de faire. Donc, si un ordinateur est capable de donner des dates, de fournir des informations, il est capable de faire beaucoup de choses, on l'a vu au départ, là. Donc, ce qui va être prisé tout particulièrement, c'est toutes les capacités qui sont typiquement humaines et dont on sait sciemment qu'un ordinateur sera pas en mesure d'intégrer, à tout le moins dans un horizon d'une centaine d'années. L'idée de l'intelligence émotionnelle, c'est pas évident d'enseigner un ordinateur, c'est pas évident d'enseigner un humain non plus, mais l'humain est plus à même d'être capable éventuellement d'intégrer ça. Même chose pour la curiosité, créativité et le reste. Donc, c'est sur ces capacités-là que seront les pierres d'assises, dans le fond, du marché de l'emploi à venir. Donc, si on cultive ces compétences-là, ben nécessairement, on devrait être en mesure de se trouver un rôle dans une société de demain qui sera peut-être un peu plus dominée par l'intelligence artificielle, par la robotique ou autre. Évidemment, dans ce contexte-là aussi, ça veut dire que si on parle de capacités qui sont plus difficiles à apprendre dans un contexte scolaire traditionnel, ben qu'il y aura aussi d'autres types d'expériences d'apprentissage qui vont être développées. Entre autres, on dit le mentorat devrait reprendre un peu plus l'avant-scène. Donc, l'idée qu'on apprend dans le contexte de l'emploi, mais qu'on apprend aussi en étant accompagné par des gens qui ont déjà une certaine expérience de vie. Donc, c'était quand même quelque chose qui était très présent à certaines périodes de notre histoire, qui l'est peut-être un peu moins aujourd'hui. Donc, ça devrait également revenir un peu plus avant. Est-ce qu'on a dressé, dans le cadre de cette recherche-là, est-ce qu'on a dressé une liste des emplois d'avenir, un peu comme Carrière de l'an 2000 le fait dans son guide, là? Est-ce qu'on sait que, bon, cordonnier, ça n'existera plus, ou qu'il y a des métiers qui seront, oui ou non, à la mode? Bon, bien sûr, la robotique, tout ça, là, mais... On rentre dans les craintes là-dessus. Je te dirais peut-être, je vais finir le positif. Oui, après ça, je vais revenir sur ta question. Parce que là, on est encore dans le positif. Oui, parce que là, tu me lances dans les craintes. Je veux finir le positif avant. Mais oui, en fait, il y a cette préoccupation-là. Cela dit, dans ce contexte-là, pour répondre en partie à ta question, il y a, dit-on, des nouvelles qualifications qui vont émerger. Ça, c'est certain. Donc, les diplômes traditionnels vont probablement encore exister, assurément, en fait, mais ils vont être aussi doublés d'autres systèmes qui vont reconnaître ces nouveaux types d'apprentissage. Donc, l'auto-apprentissage, l'apprentissage par mentorat, l'apprentissage en contexte de travail, mais il va falloir reconnaître ces capacités-là parce qu'on demande aux gens d'aller chercher des capacités qui sont plus difficilement notables, plus difficilement analysables, plus difficilement acquérables aussi. Donc, il va falloir trouver des façons de reconnaître ces capacités-là. Et il y aura donc des systèmes alternatifs qui vont se développer. Et au bout du compte, ben c'est les portfolios peut-être qui vont encore là prendre l'avant-scène au niveau des curriculums. Comme preuve de compétence plutôt que simplement les diplômes obtenus. Ouais. Cela dit, la première crainte, en fait, parce que tu dis, regarde, Le système d'emploi va changer. On en parlait tantôt, des robots, l'intelligence artificielle et le reste. Où on s'en va dans 10 ans, où on s'en va au-delà de 10 ans, c'est dur de le savoir parce que le monde change quand même assez rapidement. Alors, dans ce contexte-là, la première grande crainte du 30%, si on peut dire, qui est quand même un peu partagée par d'autres, c'est que le système d'éducation ne sera pas en mesure d'être à jour en 2026 par rapport aux besoins d'emploi. Ouais. Donc, il va y avoir un schisme qui va se créer entre les deux. Ça va avancer trop vite et le système éducatif s'adapterait peut-être trop lentement de par sa lourdeur, son poids, de par tout le système qui est imbriqué. Donc, il va avoir quand même quelque chose de qui va se passer de ce côté-là. Est-ce qu'on va être en mesure de bien épauler les gens pour qu'ils aient les compétences du 21e siècle dont ils ont besoin? C'est la question. Est-ce qu'on sera en mesure de financer, d'un point de vue politique, d'un point de vue société, des changements de paramètres quand même assez importants au niveau éducatif qui vont nécessiter des investissements, qui vont nécessiter des analyses, qui vont nécessiter de l'expertise. Est-ce que cette volonté-là est réellement présente dans un contexte où ça sera aussi difficilement chiffrable? Parce que c'est ce qui ressort beaucoup de cette enquête du Pew Research Center, c'est que tout ça reste que c'est dur de chiffrer, de dire, OK, on enseigne la créativité, oui, mais bon, combien ça va nous rapporter? Et comme il y a quand même une logique comptable qui prévaut de plus en plus dans certains systèmes éducatifs, que ce soit ici ou ailleurs, eh bien, nécessairement, ça va être difficile aussi de démontrer la valeur de ça. Et parallèlement, faut garder aussi en tête que c'est pas tout le monde non plus qui a envie d'apprendre à vie et qui a envie de passer leur vie à s'adapter à des nouveaux contextes. Il y en a que oui, ça va être un défi qu'ils vont avoir envie de relever, mais c'est pas tout le monde qui va avoir envie de relever. C'est peut-être pas un système qui va plaire à tout le monde. Puis là, on le voit avec le gouvernement du Québec qui voulait, bon, qui a élaboré un comité là pour repenser l'école. Think outside the box, ça plaît pas à tout le monde. Là, ça déjà, il se heurte à des résistances. Alors, imagine tout un système comme tout ça. Tout un système, puis tout un système de travail aussi, parce que mais nécessairement, le travailleur à qui on dit, ben OK, là, tu viens de sortir des études, tes compétences sont bonnes pour 5-10 ans, mais faut que tu adaptes ton contexte en continu. Il y en a qui veulent le faire, il y a des cadres d'emploi, il y a l'obligation actuellement de le faire, mais c'est pas tous les cadres d'emploi. Et parallèlement, il y a aussi l'idée, bon, on va former les gens pour des emplois, mais bon, pour quel emploi? Aussi, tu sais, au bout du compte, est-ce qu'il va rester des emplois? Quel emploi est-ce qu'on table sur tel type d'emploi plus que d'autres? Ou Parce que c'est clair, en fait, qu'il va avoir, disons, des programmes, des machines qui vont faire beaucoup de charges. Alors, nécessairement, il va avoir des changements, des impacts sur l'identité des gens, sur les divisions socio-économiques. Parce que si, dans le fond, on a un pan de la population qui est simplement plus en mesure de travailler parce que ses qualifications ont été remplacées, qu'elle ne souhaite pas non plus adapter ses compétences pour X, Y, Z raison, ou simplement parce qu'il y a un nombre limitatif d'emplois qui est disponible, tout simplement parce que à un moment donné, le monde est en croissance, mais les emplois sont en décroissance. Donc, à un moment donné, on va arriver où il y aura juste plus assez d'emplois, on va peut-être tomber dans une espèce de société des loisirs. Et eux autres disent, ben, si on pousse un peu plus loin, parce qu'évidemment, on sort un peu de l'horizon de 10 ans dans ces considérations-là, mais comment on va partager la richesse? Si le partage de richesse n'est plus basé sur le travail et donc par extension sur la possession de biens matériels, mais sur quoi on va se baser pour organiser notre société finalement? Est-ce que ça va être un peu la fin d'un certain système économique qui est en train d'émerger aussi? Si on pousse un peu plus loin, si on gratte loin, tellement. On peut tomber à des considérations quand même assez majeures. Là. Ah oui, oui. Puis est-ce qu'il y a des considérations de population vieillissante aussi? Parce que les gens vivent de plus en plus vieux, la retraite est de plus en plus loin, mais en même temps, c'est des gens qui n'ont pas été formés nécessairement. C'est pas des jeunes, là. En fait, plus d'emplois, plus difficile, moins d'emplois, des emplois plus difficiles à répondre en termes de capacité parce que ça va demander des compétences qui ne sont pas l'apanage de l'ordinateur. Donc, évidemment, ça va créer un problème parce que si la population augmente, s'il y a plus de gens et le reste, il y a moins de charges, il y a moins de. Donc, ça va créer un contexte qui est assez dur à saisir, si on peut dire, à bien déterminer. Mais c'est certain qu'il y a plusieurs drapeaux dans des sondages comme celui-là, que par exemple, qui sont en train de se lever et de dire, ben regardez, oui, ça va être un changement probablement pour le mieux sur le court terme, mais quelle incidence ça va avoir sur notre mode de vie et sur notre organisation de vie à long terme, à moyen terme? Mais là, il y a plusieurs questions qui finissent par se poser aussi. Donc, c'est peut-être, en fait, au-delà d'un changement d'outils, c'est peut-être un changement culturel en profondeur qu'on est en train d'amorcer présentement. Ah, j'ai l'impression qu'on est en train de la façon dont tu parles, puis je me rends bien compte qu'on vit une genre de révolution, là, dans 200 ans, peut-être, dans 100 ans, même pas, on va se dire, ah, mais quelle époque, ils ont vécu un tournant de l'humanité. Puis ça, ce que tu nous parles, là, ce Pew Research-là, c'est américain, c'est européen. C'est américain. La réalité, c'est américain, en fait, ouais. Pour, la réalité serait la même un peu partout dans les pays. Un peu partout, mais c'est sûr que dans le fond, on a quand même une perspective américaine, donc un pays quand même assez industrialisé aussi. Et le reste, donc c'est dans un contexte américain que cette étude-là a été réalisée. Peut-être qu'il y aurait d'autres considérations, d'autres préoccupations qui émergeaient si on avait été chercher des experts européens, des experts africains, des experts asiatiques. Donc, il faut garder quand même le contexte américain à travers donc les considérants que je vous ai mentionnés. Et si vous voulez la lire, cette étude-là, en fait, est très facile à trouver. Là, cherchez dans votre engin de recherche préféré The Future of Jobs and Job Training au Pew Research Center. Et vous allez trouver toute l'étude extrêmement détaillée. Là, on parle de plusieurs centaines de pages là, de témoignages qui sont extrêmement intéressants. C'est fort intéressant pour ceux qui ont des jeunes enfants. Oui. Ça permet de réfléchir de longues heures sur leur avenir. Merci beaucoup, Raymond Poirier.